L'actualité à Nancy et ailleurs. 24e édition du Festival international du film de Nancy du 24 août au 2 septembre sur le site de la Manufacture. Pilar, bonjour. Bonjour Yves. On vous retrouve pour parler un peu de cette 24e édition. Vous vous occupez de la coordination du festival. Avant de parler du programme de la première journée, peut-être rappeler un peu en quelques mots ce qu'est le Festival international du film de Nancy, même si on en est déjà à la 24e édition. Oui, c'est ça. Donc le Festival international du film de Nancy, c'est un festival de diffusion d'œuvres cinématographiques. La plupart d'œuvres sont des courts-métrages, mais nous avons aussi des longs-métrages de fiction en plein air, c'est les sélections sous les étoiles, mais aussi des documentaires. Donc c'est international, nous recevons des films de partout, de tous les continents du monde. Donc pour la compétition internationale du film court, c'est tous les continents. Pour les documentaires, c'est une compétition européenne. Et ensuite, on parlera, nous avons aussi des focus. Donc cette année, nous avons focus pays des Balkans, donc avec des projections des courts-métrages de différents pays des Balkans par pays. Et nous avons aussi une petite fenêtre Amérique latine, pays germanophone grâce à un partenariat avec le Goethe Institute. Et aussi, nous avons quelques films de l'Iran. 9 jours pour voyager autrement à travers des films, qu'ils soient courts ou un peu plus longs, pour découvrir donc tout ce cinéma. Plus de 50 pays sont représentés lors de ce festival. C'est ça. À savoir que donc c'est la diffusion d'œuvres cinématographiques, mais le festival est aussi d'activités autour des festivals, qui ce sont des tables rondes, des ateliers et aussi des concerts. Des concerts tous les soirs, du 24 jusqu'au 1er septembre, cours de la manufacture, après on a les séances en plein air, et le week-end, nous avons après les séances en plein air, un DJ qui est là jusqu'à 1h45. Voilà, pas que du cinéma, plein d'autres choses à côté. Il y a aussi des projections pour le jeune public qui sera proposé. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors, ça commence vendredi 24 août. Donc, vous l'avez dit, cours de la manufacture avec cette particularité des projections en plein air à partir de 21h tous les soirs, 21h15 même, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre pour cette première journée du vendredi 24 août? Donc, pour cette première journée, c'est ouvert. Donc, notre billetterie à l'accueil au 9 rue Michel Ney, c'est déjà ouvert. À la restauration, la Bouvette, seront déjà ouverts. Donc, et notre première projection qui commence à 16h30 au conservatoire. Donc, même dans les sites de la cour de la manufacture. Et nous avons deux documentaires qui sont en compétition, Donkey Fear No Heinous, L'Or Vert, et aussi A Woman Captured. Ensuite, à 18h30, il y a les deuxièmes documentaires que je viens de mentionner, et au Théâtre de la Manufacture, dans la salle de la Fabrique, nous avons des projections de films courts qui sont en compétition. À l'USA, à 21h, nous avons encore notre sélection de courts-métrages en compétition. Pour nous retrouver, entre avant de 21h, nous avons à 19h30, cours de la Manufacture, à Gilles Siva, donc c'est un musicien compositeur de la Moselle. Il est incroyable, il fait une musique qui n'est pas très loin des Brassens par exemple, mais qui mélange différents rythmes qui pourront nous faire voyager dans les temps. Et ensuite, nous avons la projection en plein air à 21h15, Magical Mystery, que c'est un film allemand et qui parle un peu de ces grands changements qui ont eu lieu à partir des années 90. Voilà, et ça se poursuit en musique, il me semble. Et ensuite, après les plein air, tout à fait, nous avons un DJ, donc c'est Gangster Cinétique, et il va nous faire danser jusqu'à 1h45. Voilà, déjà un beau programme pour cette belle journée de la 24e édition du Festival international du film de Nancy. Où est-ce qu'on retrouve toutes les infos pratiques concernant le festival et le programme? Tout est sur notre site web www.fifnl.com. Sinon, nous sommes partout à Nancy. Vous pouvez nous trouver notamment aux vitrines de Nancy, donc c'est les kiosques Place Maginot. Nous sommes aussi deux places Saint-Èvre, donc deux rues Saint-Èvre à côté de la place Saint-Èvre. On a un petit local, vous nous reconnaîtrez avec les grandes affiches avec Madame Tetschou. Et ensuite, vous pouvez aussi trouver les catalogues. Nous sommes maintenant dans différents MJC à Nancy. Nous sommes dans différents lieux culturels, chez nos partenaires. Allez sur les sites web et vous allez trouver la plupart d'informations. Les catalogues en PDF à télécharger, mais sinon vous savez aussi les films à découvrir. Juste un dernier mot, le tarif pour les projections, c'est quoi? Cette année, le tarif est unique. Donc c'est un tarif de 3,50 €. Nous avons un tarif réduit pour les comités d'entreprise et nous avons pour les jeunes, que nos cartes jeunes culture, un billet acheté, donc une place est offerte. Voilà, donc ça c'est pour les projections. L'accès à la cour de la manufacture est libre. Est complètement gratuite. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter parce que, on le sait, maintenant, nous sommes obligés à avoir des personnes de sécurité partout dans les sites. Donc, notamment à l'entrée de Front Michel Ney, à partir de 18h, il y aura une personne à savoir ça. Mais ça ne veut dire pas que, comme l'entrée est filtrée, que l'entrée est payante. L'entrée est complètement gratuite et c'est pour votre propre sécurité qu'il y a ces personnes qui sont dans l'entrée rue Michel Ney. Mais l'entrée est gratuite. Voilà, pour découvrir encore cette année le Festival international du film de Nancy, n'hésitez pas à vous y rendre au cours de la manufacture et pourquoi pas aller voir aussi, bien sûr, les projections qui sont proposées. Donc, demain soir, Cinéma sous les étoiles, c'est Magical Mystery à 21h15. Et on se retrouve demain, Pilar, pour la suite du programme. Oui, on fait comme ça. À demain. Merci. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.